نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. On a parlé du troisième pilier ou du deuxième pilier de l'Iman, qui est l'Iman bil Malaika, de croire en ses anges, d'avoir l'Iman en ses anges. Et on a parlé des anges, de leur nom, et on a leur mission, on a parlé aussi de leur mission, de l'effet qu'a cette croyance dans le cœur du musulman, à savoir le sentiment de fierté, quand il sait qu'il est étranger dans ce monde, que lui, le seul, il suit la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou il est en prison ou séquestré, il sait que c'est lui qui est, que les soldats d'Allah, qu'il fait partie des soldats d'Allah, et que les soldats d'Allah sont plus nombreux. Les alliés d'Allah, les soldats d'Allah sont plus nombreux que les soldats de Shaitan, de Iblis. الله سبحانه وتعالى يلدي حتى إذا رأوا ما يعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا. الله يلدي dans سورة الجن. Puis quand ils verront ce dont on les menaçait, ils sauront lesquels ont les secours les plus faibles et lesquels sont les moins nombreux. Et croire en les anges, ça raffermit le cœur du musulman, ça lui fait qu'il remercie Allah subhanahu wa ta'ala, que les anges le protègent, et qu'il invoque Allah pour lui, il demande l'istighfar. Ça, on en a parlé. Et ce sont des serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si Jibril a une force prodigieuse, ou Israfil, ça ne devra pas nous pousser à les adorer ou à les invoquer en dehors d'Allah. Allah, il dit, ce sont des serviteurs. وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدَا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ. Le miséricordieux, ont-ils dit, a adopté un enfant, à sa gloire ne plaise. Ce sont plutôt des serviteurs honorés. Des serviteurs, là, ils parlent des anges. Entre parenthèses, c'est les anges. لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ. Ils ne le précèdent pas en parole et eux agissent selon son ordre. يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ. Ils savent ce qui est en avant d'eux et ce qui est derrière eux. Ils n'intercèdent que pour qui il agrée, entre parenthèses Allah subhanahu wa ta'ala, et de par leur crainte de lui sont dans l'appréhension. وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَهٌ مِنْ دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمْ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ. Qui d'entre eux dira « Je suis un Dieu en deçà de lui », celui-là, nous le rétribuerons de la Géhenne, ainsi rétribuons-nous les injustes. Donc les anges, malgré leur forme, malgré leur force prodigieuse, malgré leur pouvoir, ils ne peuvent pas dire que ce sont des divinités. Allah, il dit « Qui d'entre eux dira « Je suis un Dieu » et jamais ils ne diront ça. Qui d'entre eux dira « Je suis un Dieu » en deçà de lui, celui-là, nous le rétribuerons de la Géhenne. Donc ce sont des serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, serviteurs honorés, et ils n'intercèdent pas d'eux-mêmes en faveur de quiconque. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui les autorise d'intercéder en faveur de ses serviteurs. Ça implique le pouvoir absolu d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, on va parler des livres. Croire en ces livres, croire aux livres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, croire en ces livres comporte quatre choses. Qu'Allah a vraiment fait descendre des livres à ses envoyés. Donc il a envoyé des envoyés, des prophètes, et il a fait descendre sur eux des livres. Il l'a vraiment fait, subhanahu wa ta'ala. Deuxième chose, croire au livre globalement et croire en ces livres en détail, ça veut dire croire aux livres qui sont nommément mentionnés dans le Coran, comme le Coran, la Torah, Taurat, qui a été révélée sur Moussa alayhi salam, l'Injil sur Jésus, sur Isa alayhi salam, Zabur sur Daoud, Sohaf Moussa, les feuillets, les documents qui ont été révélés à Moussa et à Ibrahim alayhi salam. Donc, on doit croire en ces livres-là. Sinon, il y a d'autres livres, Allah ne nous a pas informés des autres livres. Il nous a informés de ces livres-là. Il y a aussi croire que le Coran, la troisième chose, croire que le Coran est le dernier livre. Il y a l'Ancien Testament, il y a le Nouveau Testament, et il y a le dernier testament, il y a le Coran. Le dernier. Et croire aux lois qu'il comporte, croire que ces lois, les lois que comporte le Coran, ont abrogé les lois que comportent les autres livres saints. Donc Allah avait donné la responsabilité, avant il avait donné la responsabilité aux moines et aux rabbins de préserver, de garder leurs livres. Inna anzalna at-tawrata fiha huda wa nur. يحكم بها النبيون الذين أسلموا. Allah il dit dans sourate al-Ma'ida, nous avons fait descendre la Torah dans laquelle il y a guide et lumière. C'est sur sa base que les prophètes qui se sont soumis à Allah, ainsi que les rabbins et les docteurs, jugent les affaires des juifs, car on leur a confié la garde du livre d'Allah. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. Car on leur a confié la garde du livre d'Allah et ils en sont témoins. Dans la suite du verset, Allah il dit: ne craignez donc pas les gens, mais craignez-moi et revenez et ne revendez pas ou ne vendez pas mes enseignements à vil prix. C'est là le pacte, l'engagement. Les rabbins et les moines se sont engagés de préserver leurs livres saints et ne pas vendre les versets d'Allah à vil prix. Ou ni de les falsifier. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait par la suite? Ils ont rompu ce pacte et ils ont falsifié, changé selon leur passion. Ils ont falsifié, interdit certaines choses qu'Allah a autorisées, autorisé certaines choses qu'Allah a interdites selon leur passion, selon leur but, soit l'argent, soit le pouvoir, soit autre chose. Allah subhanahu wa ta'ala يقول فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. Et puis à cause de leur violation de l'engagement, nous les avons maudits et endurcis leur cœur. Ils déplacent les paroles de leur lieu. Ils falsifient et oublient une partie de ce qui leur a été rappelé dans la Torah. Allah dit ça dans Surat Al-Ma'ida 5, le verset 13. Dans un autre verset, dans Surat Al-Baqara, أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Allah dit dans Surat Al-Baqara, eh bien, espérez-vous que de pareils gens, les juifs et les autres, vous partageront la foi alors qu'un groupe d'entre eux, après avoir entendu et compris la parole d'Allah, la falsifièrent sciemment. Il dit dans un autre verset, فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَسَبَتْ أَيْدِيهِمْ فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَسَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ فَوَيْلٌ لَهُمْ مَا كَسَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ. Malheur donc à ceux qui de leurs propres mains transcrivent l'écrit, puis s'en vont dire ceci vient d'Allah pour en tirer un vil prix ou un vil profit. Malheur à eux donc à cause de ce que leurs mains ont écrit et malheur à eux à cause de ce qu'ils en profitent. فَوَيْلُ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلُ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ. Chaque fois, il y a une nouvelle version corrigée, vérifiée, corrigée. Chaque fois, la version de l'évangile, la Torah, la version maintenant de l'an 2000, il va être différente à celle des années 90. Celle des années 90, il va être différente de celle des années 80, etc., etc. Et ils autorisent, ils interdisent selon leur passion. Hein? Quitte à marier un homme avec un homme dans une église. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala dans surat Al-Imran, wa inna minhum la fariqan yalwuna al-sinatahum min al-kitabi li tahsabuhu min al-kitabi yalwuna al-sinatahum bil-kitabi li tahsabuhu min al-kitabi wa ma huwa min al-kitab wa yaquluna huwa min indillahi wa ma huwa min indillah wa yaquluna ala Allahi al-kaziba wa hum ya'lamun. Il y a parmi eux certains qui roulent leur langue en lisant le livre pour vous faire croire que cela provient du livre, alors qu'il n'est point du livre, et ils disent ceci vient d'Allah, alors qu'il ne vient point d'Allah, ils disent sciemment des mensonges contre Allah. Dans Surat 3, Surat Al-Imran, verset 78. Donc, la Trinité, la notion de Fils de Dieu, etc., tout ça, c'est des choses qu'ils ont innovées, qu'ils ont sorties, c'est des mensonges. Donc en absence du texte authentique, les gens vont être perdus. Ils ne peuvent pas connaître vraiment Allah subhanahu wa ta'ala, bien qu'on le connaisse par notre prime nature, par notre fitra, on connaît Allah subhanahu wa ta'ala, on sait qu'il est le créateur et qu'il est digne d'être adoré, mais le connaître vraiment, les gens ne peuvent pas vraiment connaître Allah, ses noms, ses attributs, s'il n'y a pas de texte, s'il n'y a pas de livre authentique. De même, ils ne vont pas savoir comment adorer Allah s'il n'y a pas de livre authentique. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont danser, ils vont faire quoi? Comment adorer Allah? Donc, il faut un livre authentique dans lequel il y a les prescriptions, il y a ce qu'Allah aime et ce qu'Allah déteste. D'accord? Et il y a les attributs d'Allah. Allah, il nous parle, nous informe de ses noms, de ses attributs, de beaucoup d'autres choses. Donc, quand les gens sont perdus, Allah subhanahu wa ta'ala, les juifs et les chrétiens, etc., Allah subhanahu wa ta'ala, par sa miséricorde, il a envoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec le Coran, et c'est lui, subhanahu wa ta'ala, qui s'est engagé à le garder. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. C'est nous, en revanche, qui faisons descendre le dhikr, le rappel, le Coran, et c'est nous qui en assurons la garde. Comme dit Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat al-Hijr, le Surat 15, le verset 9. Donc, c'est Allah qui s'est engagé à protéger le Coran des mains des alliés de Shaitan, Allah subhanahu wa ta'ala lui-même. Et ce Coran-là, il regroupe, il est hakim, il est le livre le plus qui prévaut sur les autres livres. Et en même temps, il nous parle des falsifications qui ont touché les autres livres. Et il nous parle des autres communautés. Donc c'est un livre qui va témoigner sur les autres communautés, qui va témoigner sur les autres livres. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul wa anzalna ilayka al-kitaba bil-haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi min al-kitabi wa muhaiminan alayh. Allah il dit, et sur toi, ça veut dire Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous avons fait descendre le livre avec la vérité pour confirmer le livre qui était là avant lui et pour prévaloir sur lui. Wa muhaiminan alayh. Notre livre, le livre, le Coran, il prévaut sur les autres livres. D'accord? Il est le plus complet. Puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé à tout le monde. Contrairement aux autres prophètes qui ont été envoyés chacun à sa communauté. Donc il est le plus complet des livres. Wa anzalna ilayka al-kitaba bil-haqq musaddiqan lima bayna yadayhi min al-kitab wa muhaiminan alayh. C'est un livre qui prévaut sur les autres livres. Et il dit subhanahu wa ta'ala dans la suite du verset, fahkum baynahum bima anzalallah juge donc parmi eux d'après ce qu'Allah a fait descendre, ne suis pas leur passion, loin de la vérité qui t'est venue, ne suis pas leur passion. Wa la tattabi' ahwa'ahum 'amma ja'aka min al-haqq, dans sourate Al-Ma'ida, le verset 48. Donc c'est un livre qui prévaut sur les autres et qui est, dont les lois abrogent les autres lois. Et c'est pour ça quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu entre les mains de Omar radiallahu anhu, il a vu un document où c'est écrit quelque chose de la Torah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est mis en colère et il a dit: tu es dans le doute, Omar, afishakin anta ya Omar, ne voulais-je pas ramener blanche et claire, ça veut dire ma voix, elle est claire, par Allah. Et il dit, sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith qui est rapporté par Ahmad al-Darimi, mais c'est un hadith authentique, il a dit, par Allah, si Moussa était vivant, et vivant parmi nous, il ne ferait que me suivre. Il ne ferait que me suivre. Et c'est pour ça quand Jésus, Isa alayhi salam, quand il va descendre, il va appliquer dans son jihad la loi d'Allah, la loi qui a été révélée sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il va suivre le Coran et il va prier conformément à la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord ? Il va suivre Sharia at Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Puisqu'il n'y a pas de législation après la législation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est ça, c'est le livre que tout le monde doit suivre. Le Coran, le livre d'Allah, le dernier testament, le livre authentique jusqu'au jour de la résurrection. Donc la croyance en ces livres, on en tire beaucoup de profit, à savoir qu'ils ont un effet sur notre iman, croire en les livres, le bienfait d'Allah sur ses serviteurs, qu'il ne les laisse pas dans l'égarement, il leur envoie un prophète avec un livre qui est un guide pour eux. Donc ça, c'est parmi les effets de la croyance au livre dans le cœur de la personne. Et aussi, on peut en tirer aussi d'autres choses, c'est la sagesse d'Allah. Parce qu'à chaque communauté, il a assigné une voie qui correspond à leur mode de vie. Donc, à chaque communauté, il y avait une législation. Et Allah subhanahu wa ta'ala, « Wa li kullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja » À chacun de vous, nous avons assigné une législation et un plan à suivre. Dans Surat Al-Ma'ida, dans Surat 5, le verset 48. Donc, à chaque communauté, il y avait une voie à suivre. Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre le livre dont les prescriptions sont parfaites, harmonies avec leur mode de vie. Par sa miséricorde, Allah subhanahu wa ta'ala, chaque fois, il change de législation. Donc ça, c'est la raison derrière laquelle Allah subhanahu wa ta'ala, à chaque fois, il envoie un livre. Donc ça, c'est l'iman bil kutub, croire en ses livres. Donc croire au Coran, les lois que comporte le Coran, ils ont abrogé les autres livres, et croire aux autres livres qui ont été révélés à Moussa, à Isa, Ibrahim alayhi salam et à d'autres prophètes. Maintenant, croire en ses envoyés, croire au Rasul, iman bil Rasul. Iman billahi wa malaikati wa kutubi, croire en ses rasouls, en ses envoyés. Donc le rasoul, on a déjà défini le rasoul et on a déjà fait la différence, parlé de la différence entre le rasoul et le nabi, entre l'envoyé et le prophète, et on a dit, on a évoqué les avis des savants là-dessus, et on en a parlé de toute façon. Rasoul, c'est celui qui vient avec une législation nouvelle, et Nabi, c'est celui qui vient, mais qui réforme, c'est un réformateur, mais sans législation nouvelle. Ça, c'est l'une des définitions de Rasoul et de Nabi. Et Rasoul et Nabi ont tous les deux un point en commun, l'envoyé et le prophète, tous les deux ont reçu la révélation du ciel. Et à chaque communauté, Allah a envoyé un rasoul, un envoyé ou un prophète, d'accord, pour les sortir des ténèbres et les rentrer dans la lumière et dans la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَعْبُدُونَ. Nous avons envoyé dans chaque communauté un rasoul, un messager pour leur dire: adorez Allah et écartez-vous du tarout. Ça, c'est un autre verset ولقد بعثنا في كل أمة الرسول أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. Nous avons envoyé dans chaque communauté un rasoul, un messager, pour leur dire adorez Allah et écartez-vous du taghout. Ça veut dire les fausses divinités. On va définir à la fin de cette risala ce que ça veut dire vraiment le taghout. Donc ça c'est dans sourate An-Nahl 16 et le verset 36. À chaque communauté, Allah a envoyé un prophète. Leur nombre, seul Allah connaît vraiment leur nombre. On ne connaît pas leur nombre. Le hadith qui est rapporté par l'imam Ahmad et par Ibn Hibban, selon Abu Dharr, que les prophètes sont au nombre de 125 000 prophètes, Nabi, et les envoyés sont au nombre de 313, ça veut dire au nombre des combattants de Badr, c'est un hadith qui n'est pas authentique, c'est un hadith qui n'est pas sahih. Donc leur nombre, seul Allah connaît leur nombre. Mais nous devons croire globalement à tous les envoyés et tous les prophètes. Et ceux dont les noms sont évoqués dans le Coran et dans la Sunna, on doit y croire avec détail. وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصَصْهُمْ عَلَيْكَ. Et Allah il dit dans sourate An-Nisa, et à des envoyés parmi lesquels il en est de qui nous te narrâme l'histoire, et d'autres de qui nous ne l'avons pas fait. Dans sourate Nisa, sourate 4, le verset 164. Donc, croire en ses envoyés globalement, avec détail ceux dont les noms sont mentionnés dans le Coran et dans la Sunna, et les meilleurs prophètes ou les meilleurs sont au nombre de 5, ce qu'on appelle Ulil Azm. En premier, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Ibrahim, Moussa, Isa et Nuh, les 5 meilleurs. Et ils sont évoqués dans deux sourates. La première, wa id akhadna min an-nabiyyina mithaqahum wa minka wa min Nuh wa Ibrahim wa Moussa wa Isa ibn Maryam. Dans sourate 33 et le verset 7. Lorsque nous prîmes des prophètes leur engagement de même que de toi, de Nuh, d'Ibrahim, de Moussa et de Isa, fils de Marie. Donc Allah les a réunis tous dans un seul verset. Dans un autre verset, dans sourate Shura, Shara alakum min ad-dini ma wassa bihi Nuhan, walladhi awhayna ilayka wa ma wassayna bihi Ibrahima wa Moussa wa Isa an aqimu ad-dina wa la tatafarraqu fihi. Allah dit dans sourate Shura, il vous a légiféré en matière de religion ce qu'il avait enjoint à Nuh, ce que nous t'avons révélé, ô toi Muhammad, ainsi que ce que nous avons enjoint à Ibrahim, à Moussa et à Isa, établissez la religion et n'en faites pas un sujet de division. Ça c'est dans sourate 42 et le verset 13. Donc, chaque prophète, Allah l'a envoyé à sa communauté. Donc, et croire aussi que ce sont des serviteurs d'Allah, ce sont des êtres humains. Croire que Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, quand on dit croire au prophète, ça veut dire croire que Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, est le dernier prophète. Comme le Coran, il est le dernier testament, le dernier livre. Donc, se soumettre à lui. D'accord ? Shahadatu anna Mohammed al-Rasulullah, ma ma'naha. On a parlé de ça dans l'Usul Thalath, témoigner que Mohammed est le messager d'Allah.